Jeanne par Catulle Mendès. Ce soir-là, sous les poutres de la chambre basse, devant un feu de chevenotte encore mouillé, qui pétille plus qu'il ne flambe et fume plus qu'il ne pétille, la mère, tout en filant, contait de très belles histoires. Tandis que Jean d'Arc, le père, debout contre le mur, aiguisait d'un caillou, pour la besogne du lendemain, l'acier plat d'un outil à retourner à la terre. Elle savait beaucoup de choses, la fileuse, parce qu'elle lisait souvent dans des livres de dévotion et parce qu'elle avait fait le pèlerinage de Rome. C'était à cause de ce voyage qu'on l'appelait la Romée. Elle comptait donc, en faisant virer le lin entre ses doigts mouillés, et les enfants en groupe, l'aîné accoudé aux genoux de sa mère, le menton sur les poings, écoutaient de toutes leurs oreilles, les yeux ravis, avec de petits cris qui s'extasient. Mais Jeanne, la cadette du cadet, était assise sur un escabeau dans le coin le plus obscur de la chambre. Elle avait les mains jointes comme pour la prière et tenait la tête levée comme si elle eût contemplé à travers la fumée, au lieu du plafond, le ciel. Quand les chèvenottes, tout à coup, s'allumaient avec un éclaboussement d'étincelles, on voyait dans le rayonnement de son visage, vite effacé, une pâleur de fleurs chétives et de larmes qui tombaient comme deux gouttes de rosée. La Romée compta. En ce temps-là, l'enfant Jésus jouait sur les bords du fleuve avec ses petits compagnons. Et cela n'était pas bien, parce que c'était le jour du sabbat. Un homme qui passait alla dire à saint Joseph, « Vous devriez corriger votre fils qui se divertit, le jour du Seigneur, à faire des tas de sable près de l'eau. C'est une chose qui est défendue. » Saint Joseph alla vers les bords du fleuve. Il vit que l'enfant Jésus faisait véritablement ce que l'homme avait dit. Il entra dans une grande colère et lui ordonna de revenir à la maison. Mais l'enfant Jésus, irrité d'être grondé, tapa du pied en jetant en l'air le sable qu'il avait dans les mains. Et les poignées de sable furent de beaux oiseaux qui s'envolèrent en chantant. Cependant, Jeanne d'Arc avait achevé d'aiguiser l'outil de labour. Malgré les belles histoires, les enfants sentaient se baisser leurs paupières. Jeanne se leva, et après les souhaits de bon sommeil, elle monta dans sa chambre, ou à genoux sur le lit, devant les images des saints, parlant quelquefois à voix basse avec l'air de répondre à d'invisibles anges, elle resta en prière jusqu'à l'heure où chante le coq matinal, dont la voix grêle et déchirante est comme le cri du jour nouveau-né qui s'éveille. Elle allait souvent, après la messe entendue, s'asseoir au bord d'un champ, sur les ruines de quelques masures. Elle regardait les portes défoncées de la demeure vide, le lit brisé sous le toit qui s'effondre, et le bâillement noir de la cave sans futaille et la huche où l'on a volé le pain, car le temps était dur, alors, pour les paysans de France. Trop souvent, par bandes farouches, des hommes habillés de fer ou de bronze qui sonnent, et criant dans une langue que l'on n'entend point, bondissaient de la ravine ou de la lisière du bois, et se ruaient dans le village, effrénés, hideux, incendiant les granges, les chaumières, étranglant les vieillards, pillant et carnageant, et c'était une grande pitié. Jeanne pleurait de voir autour d'elle tant de reliques désolées. Elle pleurait bien plus en songeant qu'il en était ainsi dans toute la France. Mais bientôt elle relevait le front, et des lueurs, dans les larmes, illuminaient ses yeux. C'était qu'elle entendait, non de l'oreille, mais du cœur, dans le bruissement des feuilles, dans la fuite des souffles, dans le bruit même de la pierre d'un mur, qui tenait à peine et tombait, des voix, qui lui donnaient des conseils d'espérance et de gloire, ou lui chantaient des prophéties, et c'était qu'elle voyait au loin, au-delà des campagnes heureuses et de florissantes cités, dans une brume de soleil dorant des piliers de cathédrales, un étendard de neige fleur-de-lysée où sont peints Dieu et les anges et qui se penche, parmi l'encens, sur la tête d'un roi agenouillé. Un jour qu'elle s'est élevée de grand matin, elle alla droit devant elle et marcha très longtemps. À l'orient rose d'aurore, il y avait des déchirements de nuées, des blancheurs sur la route, sur la plaine, sur la verdure tremblante des bois, étaient comme des écharpes qui traîneraient du ciel sur la terre. Puis ce fut le grand jour, vaste et resplendissant, avec l'or lumineux des blés, et les forêts pareilles à d'immenses bûchers d'émeraude dans tout l'espace ensoleillé. Elle avait tant marché qu'elle arriva au bord d'une petite rivière, dans une oseraie, où il y avait des roses en si grand nombre qu'elle n'en avait jamais tant vues, et si belles qu'elle ne croyait pas qu'il y en eût de semblables. Elle s'arrêta. Elle était au milieu de toutes les roses, si pâle comme un grand lys. Mais elle ne s'était pas arrêtée à cause des belles fleurs ni du vent parfumé. Ce qui l'empêchait d'aller plus loin, c'était qu'au-delà de la rivière, ce n'était plus la France. Elle s'assit au bord de l'eau, sur le sable. Elle sourit. Elle se souvenait du conte qu'avait dit la Romée. Elle se le raconta à elle-même, le trouvant joli. On sera un héros, mais on est une petite fille. Elle prit du sable dans ses mains et le jeta en l'air. Oh, miracle ! La poignée de sable fut un chardonneret. Elle en jeta une autre, et ce fut une linotte. Une autre, et ce fut une fauvette. Une autre, et ce fut un pinson. Une autre, et ce fut un rossignol, qui alla rossignoler dans le rosier voisin. De sorte que bientôt elle se vit enveloppée, car les oiseaux ne fuyaient pas, d'une nuée gazouillante où battaient des ailes de toutes les couleurs. Elle s'amusa quelque temps d'écouter les chansons et de voir briller les plumes. Puis elle dit avec douceur, « Allez, partez, petits oiseaux, je vous aime et vous êtes jolis, mais vous ne devez pas rester toujours auprès de moi. Puisque vous avez pris vie, il faut que vous songiez à voler dans les hauteurs du ciel, à faire vos nids dans les arbres. Allez, petits oiseaux, du côté où le vent vous pousse !» Ce fut comme si elle n'eût rien dit. Il ne cessait de pépier et de voleter autour d'elle, se posant dans ses cheveux ou sur ses épaules, lui becquetant l'oreille ou la lèvre. Et la fauvette gazouilla enfin. « Non, nous n'irons pas du côté où le vent nous pousse, parce que là-bas, ce n'est plus la terre de France, d'où nous sommes nés, et nous resterons avec toi, toujours. » Ils la suivirent partout. Ils planaient autour d'elle lorsqu'elle dit au dauphin Charles, « Je te dis de la part de Messire que tu es fils de roi et vrai héritier de France. » Autour d'elle, lorsqu'elle entra dans Orléans, sous une armure blanche où rougeoyait la lueur des torches, avec son cortège de reîtres et de capitaines, autour d'elle, lorsqu'elle assaillit les bastilles anglaises, il ramageait dans le fracas des guerres et voltigeait parmi les flèches. Quand elle tomba dans le fossé, le cou saignant, ce furent eux, qui de leurs petites pattes retirèrent le trait, et ils firent tant de cris qu'on accourut et qu'on emporta Jeanne, la fauvette, en chemin du bout du bec, lui mettait sur la blessure du duvet qu'elle s'arrachait de l'aile. Ils étaient là, le jour du triomphe, dans les cantiques et l'encens, avoir frissonné leurs plumes sur l'étendard de neige fleur-de-lysée où sont peints Dieu et les anges, on croyait que la bannière s'éparpillait en oiseaux. Invisibles aux bourreaux, ils eurent pour volière, comme elle pour prison, la cage de fer dans la grande tour du château où ils étaient là encore, lorsque le bûcher s'alluma. « Allez, partez, petits oiseaux, » dit-elle. « Vous m'avez fidèlement suivi, et je vous dois un grand remerciement. Mais il faut que vous me quittiez aujourd'hui, car les flammes grandissantes brûleraient vos jolies ailes. Allez, petits oiseaux, du côté où le vent vous pousse !» Ce fut comme si elle n'avait rien dit. Il ne cessait de pépier et de voler dans le feu et les fumées, se posant sur ses cheveux ou sur ses épaules, lui becquetant l'oreille ou la lèvre. Tant qu'enfin leurs plumes s'allumèrent aux flammes et qu'ils tombèrent un à un, comme des fleurs de rubis dans les braises. Puis, la foule s'étant éloignée, ce fut sur la place, autour du bûcher, avec le silence et la solitude, la nuit. Personne. Dans l'ombre, la lune qui regarde. Seulement, sur les débris encore fumants, où s'étaient mêlées les cendres légères de la Vierge et des oiseaux, cendres de lys et cendres de duvet, il y eut comme un frissonnement de vie. La pâle poussière s'anima, s'enfla, prit forme, devint peu à peu de grandes plumes palpitantes autour d'une jeune fille pâle qui sourit de s'éveiller. Et les oiseaux, à présent, n'étaient plus des pinsons, ni des linots, ni des fauvettes. C'étaient des anges, qui, dans un déploiement de grandes ailes blanches, emportaient Jeanne vers le beau paradis, cette France du ciel. Ainsi s'achève Jeanne de Catulle-Mendès.